Bonjour à tous et bienvenue à ce journal du 22 octobre dont voici les grands titres. Le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi s'énarrait de doutes de l'indépendance de la justice burundaise pour juger certains crimes commis au Burundi. Le président du CNRD le dit après que la famille de feu président Dadaye ait ce vendredi réclamé justice pour lui 24 ans après son assassinat. Célébration ce 22 octobre de la journée internationale des personnes bègues. Ces dernières sont confrontées à certaines difficultés liées à cet handicap, comme l'indique le président de l'association Vaincre le bégaiement. Et dans la rubrique santé, le choléra fait parler de lui dans certaines localités des provinces Bouvanga. Bienvenue encore une fois, Albert Ndouayo assure la mise en onde, Aubin Nyonguru au micro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Le CNRD reconnaît le droit de la famille de fait président Melchior Ndadaye et celui des familles et des victimes de réclamer la justice pour les leurs. Cependant, le président de ce conseil doute de l'indépendance de la justice burundaise pour juger les crimes commis. Charles Ndite, j'ai exhorté les Burundais de ne plus penser à la vengeance, mais plutôt que les moments de la commémoration soient des occasions de se remémorer l'héritage de nos héros disparus et de le mettre en application. On l'écoute. En pareille circonstance, ce n'est pas le moment de pleurnicher, de crier vengeance, de ruminer sa rancœur. C'était plutôt le moment de se rappeler quel est l'héritage que le président Melchior Ndadaye a laissé au peuple burundais, et que cet héritage a été suivi par les Burundais, et qu'est-ce qui a manqué. C'est également l'occasion de faire une sorte d'introspection personnelle et collective pour dire pourquoi chaque fois il y a des drames dans ce pays. Pourquoi avons-nous des leaders qui sont assassinés alors qu'ils ont une bonne vision de la démocratie, de l'unité des Burundais. Est-ce que nous n'avons pas chacun une part de responsabilité, une part collective? Que devons-nous faire pour justement éviter ces drames cycliques qui endeuillent le pays? La famille de fait président Melchior Ndadaye ainsi que certaines familles des victimes réclament que ce dossier soit réétudié par la justice. Quelle est la position du CNRD sur cela? Je crois qu'il faut distinguer les choses. Premièrement, il est du droit et du devoir de chaque famille qui a perdu les siens, à commencer par la famille du président Ndadaye, de réclamer justice. C'est un droit inaliénable de tout citoyen. Donc, c'est tout à fait normal que Mme Laurence Ndadaye réclame que justice soit faite pour qu'on sache qui ont assassiné son mari, tout comme d'ailleurs les autres victimes qui ont suivi cet assassinat. Donc, cela ne devrait surprendre personne. Mais à côté de cela, il ne faut pas se faire des illusions. Aujourd'hui, la justice est complètement inféodée au pouvoir de l'exécutif, de façon que penser en ce instant qu'il y aura des juges qui pourront dire le droit, rien que le droit, c'est un peu se tromper. Le président du CNRD intervient après la sortie médiatique ce vendredi de Laurence Ndadaye, l'épouse de fait président Melchior Ndadaye qui réclamait justice pour son mari. Il a été joint par Joseph Sabiyabandi. Je l'avais annoncé en titre, les personnes bègues ne bénéficient d'aucun traitement au Burundi. Le président de l'association Vaincre le bégaiement au Burundi dit que cela pousse la société à refouler les personnes connaissant un tel handicap. Placide Mahoro le dit, président de cette association, le dit à l'occasion de la journée mondiale du bégaiement ce 22 octobre et plaide pour la formation surtout des enseignants qui s'occuperaient des enfants bègues aux écoles. Il a été joint au téléphone par Alain Désiré Boukenez. À cette date du 22 octobre 2017, c'est une 20e célébration de cette journée mondiale du Begema. Ici, au Burundi, c'est la quatrième célébration. Ici, au Burundi, Beg ne bénéficie pas aucun traitement logique. Et même la communauté ne comprend pas ce que c'est le Begema. Pourquoi le Begema s'aggrave dans certaines situations. C'est une situation très problématique. Les enseignants des enfants bègues ne savent pas comment aider un enfant bègue. Et quel est votre appel à l'occasion de cette journée mondiale? Et nous lançons un appel au gouvernement burundais et de faire des bourses d'études à certains gens burundais pour aller suivre la formation en orthophonie pour qu'ils viennent ici au Burundi en ayant la capacité et les connaissances et les connaissances scientifiques pour aider les bègues à avoir une voix ou une parole fluide. Donc nous lançons aussi un appel à la communauté pour qu'ils comprennent, pour essayer de comprendre les bègues se trouvant dans les communautés. Isanganiro, la radio de l'avenir. Poursuivons avec ce journal. Les vaches qui étaient détenues dans la réserve naturelle de la Rukoko depuis ce mardi ont été relâchées ce samedi soir par le directeur général de l'environnement. Les éleveurs demandent aux autorités de lever la confusion et de montrer là où on doit payer l'amende quand l'animal est attrapé dans les aires protégées. Les 200 vaches avaient été attrapées ce mardi par le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Bubanza qui exigeait qu'une amende soit payée chez eux alors qu'elle avait été payée à l'Office burundais des recettes. Les victimes des pluies torrentielles dont les toitures des maisons ont été détruites dans la commune et province de Lomongue se trouvent dans une situation déplorable. Ils demandaient une assistance pour pouvoir recouvrir leur maison en tôle. Jean-Pierre Misago. Au quartier Swahili, près de l'endroit communément appelé Kubiti, sur la RN3 reliant Rumonge à Bujumbura, l'heure est à l'assemblage des restes des tôles pour ne fût-ce que couvrir les murs afin qu'ils ne s'écroulent à la prochaine pluie. Naïma Nashindo, d'une soixantaine d'années, indique qu'elle vit dans de mauvaises conditions dans une chambrette où elle a trouvé refuge avec ses enfants et petits-enfants. Elle, de même que les autres victimes des intempéries, demande d'être assistée, surtout en tôle. Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, dit que les institutions concernées ont été déjà informées de la situation et on attend une réponse vu que les victimes de ces intempéries sont pour la plupart des démunis dans l'incapacité de pouvoir se procurer de nouvelles tôles. Environ 800 maisons de la commune Rumonge ont vu leurs toitures détruites par des pluies torrentielles mêlées de vent dans un délai n'excédant pas un mois. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago et vous nous excuserez de cette qualité sonore qui n'a pas été bonne. Page santé de ce journal, 15 personnes sont hospitalisées au centre de santé de Lugombo en province de Chibitoke. Elles présentent des symptômes de choléra et sont toutes originaires du secteur Midouha sur la colline de Lukana 2. Ces informations sont confirmées par le responsable du district sanitaire de Chibitoke, mais dit qu'il est encore tôt pour affirmer que c'est le choléra. Célestin Ndayarose indique qu'ils ont envoyé des échantillons, des examens à Bujumbura pour confirmer ou infirmer cette thèse. Toutefois, l'on signale que les habitants de cette localité consomment l'eau sale de la rivière Rusizi suite à cause du manque d'eau potable. Dans la même page, 32 cas de choléra, dont 3 décès, ont été enregistrés dans ces deux dernières semaines en zone Bouvdiouko, commune et province de Boubanza. Les habitants de cette localité précisent que la cause de cette épidémie devenue cyclique n'est autre que le manque d'eau potable. Spes Caritas Cabagnana. Deux malades qui étaient encore admis au centre de santé Boubanza 2, un centre d'isolement et de traitement de choléra, sont rentrés ce samedi soir. Au total, 32 cas de choléra ont été enregistrés dans ces deux dernières semaines en zone de Bouvdiouko de la commune de Boubanza et 3 personnes sont mortes parce qu'elles ont traîné à aller se faire soigner selon les responsables sanitaires de cette localité. Ils ajoutent que les collines qui ont été touchées plus que les autres sont notamment Muhenga, Nyabitaka, Rurabo, Bukunga et Timbizi. Les habitants de ces collines déplorent le fait qu'il manque cruellement d'eau potable, ce qui fait que l'épidémie de choléra affecte cette localité de façon cyclique. Ils indiquent également qu'ils utilisent souvent l'eau sale de la rivière Kajeke ou de la vallée de Rurabo. Les responsables administratifs à Bouvdiouko nous ont précisé que le canal d'eau potable Kibziru Bouvdiouko est en train d'être réhabilité. Merci aussi à Spes Caritas Kavanyana et c'est par cet élément que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à Albert pour sa parfaite collaboration technique. Bonne journée dominicale à tous.